Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Xavier Guinche. Bonsoir Xavier Guinche. Bonsoir. Vous êtes Xavier Guinche, né en 1988 à Saint-Brieuc. Et c'est dans cette région du Nord-Bretagne que vous commencez l'apprentissage de la musique à l'école communale de Plouhec-sur-Lier. Vous avez 9 ans. Et jusqu'à 14 ans, vous jouez sur synthétiseur puis sur piano. Avant de vous initier au jazz. À 18 ans, vous intégrez l'École nationale de musique de Saint-Brieuc, puis vous venez vous installer à Toulouse pour étudier notamment le jazz au sein de la section de musicologie de l'université Jean Jaurès. À cette époque, on disait encore Université Toulouse-Le Mirail. En même temps, vous intégrez le Conservatoire de région de Toulouse et vous sortez de ces études universitaires une licence et un diplôme d'études musicales en poche. Pendant toutes ces années, vous multipliez les rencontres artistiques dans le cadre de stages, de résidences ou de masterclass avec Andy Hemmler, Guillaume de Chassis, Kenny Baron, Bill Carhauser, Baptiste Trottignon, Laurent Cuny, liste non exhaustive. On peut vous entendre à cette époque dans le One Quartet, quartet de jazz, formé avec Carla Gaudrey, Simon Portefeuille et Louis Navarro, des copains de l'université. Mais on peut aussi vous entendre dans le duo Pianoco avec le joueur de bandoneon Hubert Plessis, duo qui deviendra en 2012 le quintet tango L'Oscar Delgar. Vous êtes également membre du Niloc Quartet de Colin Jor. Vous jouez aussi dans Cuticeo, une autre formation toulousaine de tango. Et puis, on vous voit également dans un groupe de progressive jazz mené par le polyinstrumentiste Loïc Laporte, groupe qui s'appelle Mirman. On vous voit également jouant des claviers électriques pour le duo Willy Pichard et Stéphane Vincendo, duo de musique trad basé en Bretagne. Et puis il y a 6 ans, vous décidez, Xavier Guinch, de sauter le pas, de franchir l'Atlantique et d'aller vous plonger dans la culture tango à Buenos Aires. Depuis, vous avez pris vos marques dans ce nouvel univers, étudié en école de musique de tango. Dernièrement, vous avez fait des transcriptions de partitions pour piano de Osvaldo Tarantino. Et puis, on vous voit jouer de plus en plus avec des musiciens argentins. En ce moment, vous faites partie de la formation, le septet du contrebassiste Juan Pablo Navarro, avec qui vous êtes en train de tourner en Europe. Vous êtes actuellement en France et puis ça sera la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. En voilà donc un parcours nomade que nous allons sans doute retrouver ou pas dans la liste des 10 morceaux que vous nous amenez ce soir. Des choses à rajouter à ce portrait rapide avant de commencer. C'est votre liste, Xavier Guinch? Non, c'est déjà pas mal chargé, non? J'ai vu que vous étiez étonné à l'écoute du morceau qui a entamé cette émission, un vieux morceau de l'Oscar Delgar. Ben, ça fait déjà 9 ans, je crois, 10 ans qu'on a enregistré ça. Et, bon, et comment ça sonne aux oreilles, 10 ans plus tard? Il y a des racines de ce qui peut se produire aujourd'hui, c'est intéressant. Très bien. Il y a aussi des choses à corriger. Premier morceau de votre liste, Xavier Guinch, Michel Petrucciani avec Eddie Lewis. Pourquoi ce morceau pour commencer votre liste, Xavier? Ça a été un morceau qui m'a vachement, je sais pas, fait découvrir l'univers du jazz. Et c'était mon prof à l'époque dans la commune où j'habitais qui m'a fait découvrir ça, et conférence de presse d'Eddie Lewis et de Petrucciani. Et ça a été vraiment une révélation. Et les premières années où tu écoutes des disques et tu les écoutes en boucle tout le temps. Et ce morceau, ça a été le premier morceau que j'ai repiqué, en fait. Et voilà. Et c'est vraiment des sonorités, des harmoniques, voilà, une expressivité dans ce morceau de Rachid que j'adore. Comment c'est venu cette envie de jouer de la musique et pas de jouer au foot avec les copains dans l'équipe du village? Déjà, j'étais nul au foot. Mais ça aussi, ça s'apprend, Xavier Guinch. Non, et j'ai toujours eu cette envie de faire de la musique, j'ai toujours chanté, mon père avait un petit synthé à la maison, j'étais toujours dessus, et jusqu'à un moment donné où on a bien compris que le sport c'était pas pour moi, et du coup j'ai eu cette opportunité aussi d'avoir toujours le soutien de mes parents qui m'ont inscrit à l'école de musique, qui m'ont toujours emmené, parce que c'était bon, dans la commune à côté, mais on s'arrangeait toujours pour y aller. La musique était importante à la maison lorsque vous étiez enfant? Mon père écoute de la musique, donc j'ai horreur. Et donc, je ne veux pas vous faire un cours sur la révolte adolescente. C'est peut-être pour ça que vous êtes passé à autre chose. Voilà, c'est ça. Donc, mon père écoutait de la musette, enfin du musette, pardon. Et, et des choses d'église, mais pas forcément des œuvres, voilà, de style Bach ou peu importe. Et puis, on a effectivement, dans l'âge de l'adolescence, surtout pas écouter ce que nous écoutent nos vieux. Donc voilà, non, ça a été vraiment grâce à cette rencontre avec mon prof de piano, mon premier prof de piano, qui était un passionné de jazz, de musique latine, qui m'a ouvert les portes, en fait. Bah, à l'époque, aujourd'hui, j'écoute un peu moins ça, bien sûr, comme tout le monde, mais dans Petrucciani, il m'a vraiment... Lui, c'était un fan de Petrucciani, il m'a vraiment fait découvrir ça. Il m'a fait découvrir, à l'époque, Michel Camilo, qui a été une référence. Et voilà, ça, j'écoute un peu moins ça, mais bon, c'est vrai, sur le moment, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ou encore Brad Meldo, enfin tous ces pianistes, Bill Evans, etc. Et ça m'a vraiment donné le goût de cette musique. Quoi. Très bien. On va écouter le deuxième morceau de votre liste, Xavier Gueiche. Vous en parliez il y a deux minutes, Brad Meldo, 50 Ways to Leave Your Lover. Brad Meldo, pianiste indispensable dans votre construction esthétique. Ah, totalement, et ça l'est toujours. Ouais. Ce disque, en fait, pour moi, est très marquant. C'est le premier que j'ai acheté, Days Down. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'internet encore, ça arrivait tout juste. Et puis c'est le disque que je venais d'avoir mon permis de conduire et j'allais au conservatoire tout seul, tu vois, et j'avais ce disque dans la voiture en boucle et voilà, ce morceau a un swing énorme, avait en 7 ans, c'était vraiment des choses nouvelles pour moi et qui m'impressionnait, qui me donnait envie de creuser vers là, quoi. Lorsque vous passez au conservatoire de Saint-Brieuc, vous commencez déjà spécifiquement à vous intéresser qu'à cette musique ou vous allez sur d'autres univers ? Non, je suis rentré vraiment dans la branche jazz à Saint-Brieuc, en fait, qui est dirigée, je crois que c'est toujours le cas, par deux super musiciens qui sont Jean-Philippe Lavergne et Jean-Mathias Pétri, deux musiciens bretons qui jouent vraiment super et qui m'ont ouvert des portes aussi. C'est grâce à eux, en fait, que je suis descendu à Toulouse après. Moi, j'aurais arrêté toutes mes études pour continuer au conservatoire. Ils m'ont dit non, il faut que tu aies des diplômes, profite tant que tu es dans le cursus. Et donc voilà, je leur dois beaucoup. À cette époque-là, donc, on est dans les années 2003-2004. 2005-2006, ouais. Vous jouez du jazz, c'est pas forcément la musique qu'écoutent vos camarades de lycée. Comment c'était vu ce côté un peu décalé ? Bah, je sais pas, je saurais pas quoi vous répondre. J'ai jamais aimé aller en discothèque, ce genre de choses, qu'aller les copains, donc j'y allais de temps en temps, mais c'était pas du tout mon truc. Et puis bon, j'avais mes copains de musique aussi. Ouais. Quoi. Donc, Et il y a eu des premières formations lorsque vous étiez à Saint-Brieuc ? Pas beaucoup. Si, j'avais. En fait, on avait un ensemble à l'école municipale, qui sont encore des amis très proches aujourd'hui, voilà, avec lequel on faisait des reprises. J'avais une formation de jazz aussi, donc. Mais pas rien de concret, non, rien pas de plan dans des bars ou dans des clubs dans la région avec des copains musiciens. Non, pas plus que ça, si ce n'est des choses organisées par l'école municipale, etc. Ouais. Non, c'est vraiment quand je suis descendu à Toulouse que ça a commencé avec toute l'équipe qui t'a nommée et dont on va parler, j'imagine. Je le disais tout à l'heure à la fin du portrait, on vous a vu jouer aussi des claviers électroniques dans un groupe de musique traditionnelle, même si ils essaient d'ouvrir leur musique vers des univers un peu électro et des choses comme ça. C'est quelque chose qui vous a tenté, ça, la musique trad bretonne, parce... En fait, c'est un rêve de gosse parce que en fait, c'était donc l'été dernier, hein, c'est tout récent, hein, c'est avec ce duo que vous avez nommé, Willy Pichard et Stéphane Vincendon. Il se trouve que Willy Pichard, c'est mon cousin, en fait. Ah oui, d'accord. Donc voilà, avec qui on s'entend très très bien. Et lui, il fait de la vielle à roue, et il est relativement très bon dans son domaine. Et il n'hésite pas à faire passer à travers quelques filtres électroniques. Exactement, et du coup, ils ont, tout en restant dans un côté traditionnel, ils ont vraiment envie de faire évoluer le genre. Et voilà, la proposition, ça a été de ça, et ça a été en premier, ils m'ont invité sur leur album que j'ai enregistré depuis Buenos Aires. Et ensuite, ça a été est-ce que tu veux venir faire une tournée avec nous? Bah, bien sûr. Et du coup, c'était super, on s'entendait super bien. Donc, la tournée a été faite déjà? Ouais, on l'a faite en mois d'août l'année dernière. On a joué au Festival Interstitique de Lorient, ce genre de choses. C'était une belle aventure avec une musique que je connais pas du tout, hein. Même si je suis breton, j'y connais rien. Et du coup, j'ai dû faire quelques recherches, essayer de mettre ma patte dans cette musique. C'était une belle aventure. Dans la musique traditionnelle, ils arrivent peu à peu à faire évoluer les danseurs aussi. Il y a eu quand même un public assez jeune de danseurs et donc qui sont preneurs aussi de choses nouvelles. Et puis, c'est deux musiciens quand même d'une grande qualité, donc qui ont aujourd'hui leur public qui les suit et ouais, ça fonctionne bien pour eux. Il y aura une suite à ce projet à trois? L'avenir nous le dira. Très bien, mais vous viendrez nous en parler. On espère. La prochaine fois que vous repassez de ce côté-ci de la Garonne. On continue à évoquer le jazz avec Xavier Guinche qui nous a amené sa liste de 10 morceaux ce soir. Je me disais en écoutant ce morceau, vous n'écoutiez que du jazz lorsque vous étiez jeune? Principalement, oui. Je me suis quand même ouvert, mais assez tard. Ouais. J'ai toujours aimé tout en fait, ce que j'écoutais. Et puis à l'époque, j'étais quand même, grâce à Claire Subiet, puisqu'on arrive à l'époque de Toulouse, et quand même dans une chorale lyrique. Donc du coup, je me suis ouvert aussi à pas mal de choses autres. Mais c'est vrai que ma musique fétiche, entre guillemets, c'était du genre jazz. Et dans large. On vient d'écouter un morceau du grand orchestre d'Andy Emler. Andy Emler, qui est quelqu'un d'important pour vous, et je pense que c'est pour ça que ce morceau se retrouve dans votre liste. Et là, effectivement, on parle de l'époque toulousaine. Vous arrivez à Toulouse en quelle année? En 2006, pardon. Ah, 2006. Et donc, Andy Emler. Ouais, Andy Emler, en fait, on était à la fac en deuxième ou troisième année, et ce monsieur a vraiment un univers très spécial. Il nous a vraiment ouvert des portes à tous ceux qui étaient présents. Donc c'était une masterclass à l'université, c'est ça? C'était même une semaine de stage, on a travaillé sa musique, et on se souviendra tous du premier exercice qu'il nous a filé, où il nous a tous mis en rond. Et puis, il nous a tous mis à chanter, en fait, juste sur une note. Et à partir de là, on a fait de la musique, en fait. Mmh. Et après, on est allé aux instruments. Et lui, il a des codes, en fait, style soul painting, mais qu'il a adapté à ses besoins, etc. Et ça nous a tous révolutionné la tête, quoi. En quoi ça transforme un peu la façon de voir l'interprétation que l'on peut faire de la musique, d'être confronté comme ça à des techniques autres? C'est déjà nous montrer que au-delà de tout ce qu'on apprend quand on est étudiant, c'est-à-dire l'harmonie, la mélodie, etc., c'est juste avec une note on peut faire de la musique, en fait. Et de la matière, et c'est pas forcément des choses très complexes, en fait. Dans l'enseignement du jazz, en fait, on apprend souvent des milliers de notes, des milliers d'harmonies, et ce qui est important aussi. Mais il ne faut pas oublier le côté de l'interprétation musicale, de comment savoir jouer une note et bien la faire, quoi. Et à travers cette note, de transmettre quelque chose, en fait. Et moi, c'est vraiment le message que j'ai reçu d'Andy Emler. Voilà, de s'amuser aussi avec la musique. On a l'impression, lorsqu'on vous écoute parler, que la période universitaire a été un moment et d'expérimentation et de rencontres tout azimut qui font à un moment donné qu'il y a un paysage esthétique qui se construit. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, d'ailleurs, c'est ce que je retiens, en fait, plus que de la formation en soi, c'est des rencontres et de ce que ça m'a ouvert. par l'échange humain, quoi, avec Carla, Gaudré, toute l'équipe de One Quartet, avec Claire Subiette, tous ces gens-là qui m'ont vraiment ouvert les oreilles, quoi. Donc Claire Subiette, qui en plus d'être la musicienne que l'on connaît ici à Toulouse, est également une intervenante régulière à la fac, et notamment en chant lyrique, elle dirige le chœur universitaire depuis quelques années. One Quartet, donc Carla Gaudré au sax, Simon Portefeuille à la batterie et Louis Navarro à la contrebasse, dont une formation qui naît dans les années 2008-2009, un seul album au compteur si je me souviens bien, mais un petit événement lorsque cette formation arrive sur la scène toulousaine. C'était quoi le projet de départ de ce groupe? Je me souviens à l'époque vous disiez c'est né de cette rencontre avec Andy Emler et puis basta. Ouais, non, c'est ça. On avait vraiment envie d'avoir une sorte de laboratoire, en fait, tous les quatre. On avait relativement les mêmes affinités musicales, la même recherche. Avec Carla, on écoutait pas mal de musique, on en parlait beaucoup, tout ça, avec Simon aussi. Et c'est vrai que, ça a été une effervescence, tous les quatre, quoi. Il faut chercher, on commence à composer, on composait tous les quatre. Il y en a un qui amenait une idée. Et souvent, c'était moi, j'amenais une harmonie, Carla mettait une mélodie, et voilà, ça a évolué. C'est aussi pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, chacun a. C'était difficile de se retrouver parce que chacun a commencé à avoir du travail ou d'autres envies d'aller étudier, comme Louis qui est parti à Berlin ou à Amsterdam à l'époque. Étudier la contrebasse. Et donc, du coup, bon, c'est fait que ce laboratoire a été de plus en plus difficile réunir. À maintenir, quoi. Ah. Mais c'était super, en fait. On osait, en fait. Ah. On n'avait pas peur de faire des choses peu communes. On écoutait énormément Émile Parisien qui nous a inspiré énormément. Vous en parliez il y a deux minutes, le quartet d'Émile Parisien, avec Sylvain Darifourc à la batterie, Yvan Gélude à la contrebasse, Julien Touéry au piano. Vous disiez que c'est quelque chose qui a marqué un peu la constitution du One Quartet et qui vous a beaucoup influencé lorsque vous étiez dans ce groupe-là. C'est ce jazz qui lorgne autant sur la période free jazz que sur la musique contemporaine qui vous intéresse dans cette musique-là? Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment Carla qui m'a fait découvrir ça. Et c'est une autre approche de la musique que je ne connaissais pas, c'est-à-dire vraiment créer la musique sur le moment, avec des codes, et pas forcément une ligne, partition. Une ligne harmonique définie. Ça m'a vraiment plu, en fait, le fait de créer sur le moment et au-delà de créer individuellement, en fait, c'est vraiment de la création collective, quoi. Et un super important quand on rejoue de la musique écrite, en fait, d'avoir ce côté instantané, non ? La liberté de jouer ce qu'on veut et d'essayer de faire en sorte que ce soit cohérent avec ce que font les autres. Ouais. Et voilà qu'arrive le tango. On a beaucoup écouté de jazz dans ce début de liste, Xavier Guinche. Le tango avec ce morceau d'Horacio Salgan. Donc vous allez quand même nous dire deux mots sur ce pianiste. Ben, Horacio Salgan, c'est considéré comme l'un des plus grands pianistes de tango, tout simplement, qui est mort à l'âge de 100 ans, donc pour vous dire le parcours qu'il a eu. Une technique, une expressivité remarquable. Et il a vraiment révolutionné le tango. C'était pas facile non plus, parce qu'on parle souvent d'Astor Piazzolla, parce qu'il l'a diffusé dans le monde entier. Mais Horacio Salgan a été un peu un révolutionnaire aussi dans sa manière de jouer, parce qu'il était très peu apprécié des danseurs de tango. Et voilà, et ça, la qualité musicale, la qualité d'expression qu'il a dans son orchestre, et encore aujourd'hui, ça reste incroyable en fait. On peut pas écouter Horacio Salgan sans s'ennuyer, même si on le connaît bien, et on découvre toujours quelque chose. C'était quoi ce morceau-là? C'est les années 50, les années 60? Ce morceau, ça doit être les années 50 à peu près, fin des années 50, je pense. J'ai pas exactement la date, mais c'est un morceau qui s'appelle Responso. C'est un morceau d'Aníbal Troilo, qui est un hommage à un grand poète. C'est une sorte de requiem en fait. C'est un hommage à un grand poète argentin qui s'appelait Homero Manzi. C'est le début de ce qu'on appelait après le tango nuevo. Les termes viennent toujours après les événements. Non, le tango nuevo, c'est quand même relativement un terme qui était employé par Astor Piazzolla. Plutôt dans les années 50, pendant la fin des années 50. Ouais. Comment vous en êtes arrivé au tango, alors que vous nous dites que jusque-là, vous écoutiez beaucoup, beaucoup de jazz et quasiment exclusivement que du jazz? C'est arrivé comme beaucoup de choses dans la vie, pour ma part, en tout cas avec une rencontre humaine, quoi, à savoir Hubert Plessis. Donc bandoneïste toulousain que l'on voit régulièrement jouer en ville. Effectivement, qui à l'époque était accordéoniste et un mec que je trouvais, qui jouait super. Et un jour on s'est rencontrés et on dit tiens, il faudrait qu'on fasse une session à la maison. Il est venu et il est venu avec des morceaux, dont un Astor Piazzolla que j'avais déjà entendu parce que par hasard j'avais eu une épreuve au bac d'Astor Piazzolla, donc je connaissais déjà un peu mais pas plus que ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant et puis on a commencé à dire ouais, ce serait bien de faire un petit truc. C'est là qu'est né ce dont tu parlais tout à l'heure, le duo au pianaco, où c'était un espèce de duo où on expérimentait des choses de tango, où on commençait à faire nos recherches et à connaître ce style qui, quand tu commences à rentrer dedans, tu peux plus t'en sortir. Puis au fur et à mesure, donc je suis rentré grâce à Hubert qui m'a indiqué cet orchestre école qui n'existe malheureusement plus, bien que Hubert en a créé un autre aujourd'hui, mais à l'époque c'était Fernando Maguna, qui est un Argentin qui vit à Marseille et qui est un excellent pianiste et aussi bandoneoniste. Qui venait une fois par mois, une fois tous les deux fois par mois, je ne sais plus, à donner des cours. À Toulouse. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de commencer à jouer dans un orchestre de tango et à commencer à comprendre les codes, en fait. Parce que c'est une musique relativement codifiée. Par rapport aux musiques que vous jouiez jusque-là, c'est vraiment une autre approche de l'interprétation? C'est une autre approche et ce qui m'a vraiment ému dans cette musique, c'est qu'il y a une expressivité énorme et qui est aussi dans le free jazz, mais c'est une autre manière et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché en fait et dans lequel je me suis senti vraiment identifié. C'est-à-dire que à cette époque-là, je me souviens toujours de me dire je m'ennuie pas à étudier du tango, tandis que le jazz, au bout d'un moment, bon, j'ai envie d'aller faire autre chose, quoi. Même si c'est une musique que j'adore et je continue à l'étudier, à en jouer, mais c'est une musique qui me passionnait, quoi. Ouais, qui me passionne toujours. Et à partir de là, Internet étant arrivé cette fois, vous êtes précipité sur les différentes plateformes pour rechercher tout ce qui existait sur le tango. J'ai commencé par écouter ces choses nouvelles, c'est-à-dire Astor Piazzolla, qui est malgré tout relativement nouveau par rapport au style tango, et qui a toujours proposé des choses nouvelles. Et c'est un peu le Miles Davis, on va dire, de ce genre. Et Peralta, qui, à partir des années 2000, a recommencé un petit peu à bouger ce genre tango, qui était, comme beaucoup de styles, un style pour les vieux, quoi. Et les jeunes écoutaient autre chose. J'ai commencé par ça, et puis ça m'a vraiment plu, l'ouverture. Et à partir de ça, j'ai commencé à creuser l'histoire et à vouloir continuer à creuser. Avec Hubert, en fait, on a eu envie de faire deux choses. Donc, Donc on avait deux groupes en parallèle. Il y a donc Piano Co qui a évolué en ce qu'on a appelé Cuchicheo par la suite, qui existe toujours d'ailleurs. Et qui est un quartet. À cette époque, c'était, à l'époque, c'était un trio. C'était un trio. C'était un trio avec Chloé Bousquet au violon. Et après, on a appelé un copain contrebassiste, Aurélien Delaron. Avec Cuchicheo, on voulait vraiment travailler du tango traditionnel, continuer à apprendre ensemble et puis en profiter pour avoir du travail aussi, non, aller jouer dans les milongas, dans les balles de tango ici en France. Et puis de l'autre côté, on a monté l'Oscar Delgar, effectivement, pour... expérimenter. Et voilà, un peu comme on avait avec Owen Quartet, pour avoir un espèce de laboratoire de composer, d'écrire pour le coup, hein, de commencer à écrire et de comprendre comment fonctionne cette musique par l'écriture. Avec un accueil dans la communauté tango qui a été quand même assez intéressante pour vous. C'est vrai que Oscar Delgar, c'était un des bons groupes de tango. Bah, l'un des rares groupes en fait, parce que c'est aussi ça la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de tango, encore moins de choses nouvelles. Et c'est toujours le cas un peu hein, en Europe, même s'il y a d'excellents musiciens, et c'est quand même un style qui est vachement relié à la danse. Donc beaucoup de gens font ça pour un côté travail aussi. On peut de groupes... de création dans ce style pour continuer à le faire évoluer, tout simplement. Est-ce que le tango est finalement pas une musique argentine et exclusivement argentine, même si on l'entend partout? Alors, il faut savoir ce qu'on entend par Argentine. L'Argentine, c'est le bouillon d'énormément de cultures, en fait. Et, il faut savoir qu'en Argentine, il y a une grosse culture italienne, une grosse culture espagnole, une grosse culture française, donc le africaine aussi. Et donc, du coup, c'est un mélange de tout ça. C'est la place du tango en Argentine, puisque maintenant, vous le voyez sur place, vous y êtes installé depuis 6 ans. Et depuis 2020, ça prend un peu plus de place. Mais bon, aujourd'hui, la diffusion de la musique fait que les jeunes écoutent Chose. Du reggaeton ou de la musique beaucoup plus pauvre, on va dire. Ça veut dire que le tango a moins d'importance dans la culture populaire en Argentine ? Il a quand même repris beaucoup de place depuis les années 2000. Une effervescence des jeunes aussi, et qui ont redécouvert cet instrument, enfin ces instruments, cette musique. Et aujourd'hui, il y a une émulation assez importante à Buenos Aires de ça. Et c'est chouette. Ça veut dire que, par exemple, c'est des musiques qu'on écoute beaucoup en club, en bar, ou c'est que sur des salles de concert? Ouais, beaucoup en club, petits clubs, des scènes nationales, pour le dire comme ça. C'est un peu partout. Après, il y a toujours cette dualité dans le tango de musique pour faire danser, donc public qui cherche ça, et musique pour faire écouter, et donc public qui défend ça, entre guillemets, aussi. Talk, je le disais hors micro, suicide musical. Talk était à l'époque un groupe new wave plutôt coté, vendant pas mal de disques. Et puis ce quatrième album qui part sur d'autres directions complètement différentes, nettement plus post-rock, nettement plus, j'allais dire free, nettement plus étonnante et partant sur un côté très minimaliste, avec le chanteur Marc Hollis qui développe une autre musique. Et ce morceau, c'est Mirman, le nom du groupe dans lequel vous avez aussi officié, Xavier Guinch, lorsque vous étiez à Toulouse, et qui regroupait, si je me souviens bien, Jean-Denis Rivalo à la batterie, Olivier Cussac à la basse, et puis Loïc Laporte à la guitare et au sax. Vous-même, vous étiez sur clavier électrique avec ce groupe. C'est pour ça que Mirman fait partie de votre liste, pour que vous puissiez parler aussi de cette période-là, plus jazz progressif. Bien sûr, oui. Et c'était la rencontre avec Loïc Laporte, et qui a été une rencontre humaine et musicale très importante pour moi. Et avec Loïc, on a parlé beaucoup à cette époque de ce qui nous allait pas dans le monde de la musique, de ce qu'on recherchait, ce genre de conversation qui fait avancer, non ? Et on écoutait, parce que Loïc c'est un amoureux du son, et on écoutait beaucoup ce genre de disque, et avec une qualité de son incroyable, avec peu de notes, donc rien à voir avec ce que j'étudiais jusqu'à présent. Pour moi, ça a vraiment été la découverte du rock progressif, du rock en général. J'en écoutais pas beaucoup, et Loïc m'a passé plein de disques. Moi, je me suis mis à rechercher des trucs, enfin, tout de l'époque des Doors, tout ça, les Pink Floyd, j'écoutais pas ça avant. Et j'ai beaucoup, beaucoup écouté ça à ce moment-là. Et c'est là que j'ai acheté aussi mon Rhodes, mon Farfisa, qui sont aujourd'hui chez Loïc d'ailleurs. Et ça a été la recherche du son, hein, et ce que je disais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, avec une seule note, en fait, réussir à avoir une qualité de son et à construire un son également collectif. Et ce qui m'a impressionné dans cette époque-là, c'est de notamment les Doors, où je me suis pas mal intéressé, en fait, c'est des grands musiciens, mais quand on écoute l'histoire des Doors, en fait, on voit qu'au début, c'était pas forcément, ou les Beatles, c'était pas forcément des grands musiciens, et néanmoins, ils arrivaient à exprimer quelque chose de super musical, en fait. Donc la musique passe pas seulement par la technique, même si on le sait tous, mais et l'expressivité, la collectivité est beaucoup plus importante. Et le rock, ça m'a vraiment, vraiment montré ça, quoi. Qu'on peut être un mauvais musicien, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, et vraiment exprimer quelque chose de fou. Voilà. La scène punk en a été un exemple flagrant à la fin des années 70. Ouais. Effectivement. Donc du coup, ça m'a vraiment, entre guillemets, conforté dans ma position que, voilà, comme tout à chacun, je ne me suis jamais senti un pianiste virtuose, extraordinaire, ça justifie que j'ai quelque chose à proposer en tant que musicien. Retour en Argentine avec Osvaldo Tarantino, un compositeur idolâtré en Argentine, auquel vous avez consacré un peu de temps pendant le Covid argentin pour commencer à transcrire des morceaux d'un concert mythique. Effectivement, alors Osvaldo Tarantino, pour la faire court, c'est un grand pianiste de tango, et qui était très apprécié, en fait, et après, voilà, qui a été pianiste de Piazzolla pendant quelques années. Et il y a très peu de matériel discographique de lui. Les choses qu'il y a, c'est généralement en orchestre où il accompagne des chanteuses, donc c'est pas sa proposition musicale. Et là, en fait, ce disque-là, c'est l'une des dernières traces qu'on a de lui, et c'est un enregistrement de deux concerts, en fait, qui sont passés dans un théâtre à Buenos Aires, dans un hall. Hein, c'est même pas un concert officiel, entre guillemets, qui a été enregistré à son insu, comme faisait un ingénieur du son à l'époque, assez, et qui a été édité à titre posthume, 3 ans après son décès, et donc en 94, la sortie du disque. Et ça reste, moi, un disque que m'a présenté ce fameux Fernando Maguna quand j'étais dans l'orchestre école. Ici, il me dit, toi, tu viens du jazz, il faut que tu écoutes ça. Et c'est vraiment un pianiste qui s'inspire des deux. C'était un pianiste qui était fan de Teddy Wilson, Oscar Peterson, et qui à la fois avec toute la culture du tango. Et bon, pendant la pandémie, effectivement, à Buenos Aires, on a été enfermé pendant 9 mois, donc ça laisse le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour le bien commun. Et bon, j'ai commencé à relever quelques morceaux pour moi, puis au bout d'un moment, arrivé à 8 morceaux sur 20, je dis bon, je vais peut-être en faire quelque chose d'intéressant et en faire profiter les autres. Donc effectivement, j'ai décidé d'éditer ça en 2 volumes, de bouquins, de partitions, qui sont des retranscriptions, hein, telles quelles, du concert, donc de piano solo. Qui sont pour moi intéressantes à étudier, après à jouer en concert. Bon, c'est le choix de chacun. Moi, personnellement, c'est pour ça que je n'ai pas enregistré de disque, parce qu'il y a déjà ce disque et ce ne sera jamais aussi bien. Aussi bien. Mais après, c'est voilà. Ah. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde un peu les commentaires qui ont été suscités par la sortie de ce bouquin de partitions, que c'était quand même quelque chose d'assez attendu. Il y a des choses de l'ordre de « enfin, on va pouvoir s'y plonger dedans, c'est ce qui nous manquait », venant là de musiciens argentins de tango. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance du coup de rencontrer énormément de gens à travers ce travail. Et de gens qui m'ont félicité, de gens qui m'ont soutenu, de gens qui m'ont dit c'est bien parce qu'en fait il n'y a aucun support de ce pianiste et ça reste un pianiste qui a un swing qui pour beaucoup et beaucoup de référents de ce genre que j'ai pu rencontrer m'ont dit mais j'ai jamais, enfin pour moi c'est le meilleur pianiste de tango et ces gens qui m'ont dit ça, ce sont des référents du tango. Maître du tango avec ce De Norte al Sur de Victor Lavalen. Un répertoire que vous commenciez à connaître à Toulouse, que vous avez vraiment découvert lorsque vous êtes parti en Argentine. Alors, comment dire, je le connaissais sans le connaître. C'est-à-dire que Victor Lavalen, avec l'accent Lavalen, a été un bandoneoniste d'un grand pianiste et référent du tango qui s'appelait Osvaldo Pugliese. Dans les années 60. Et donc, je ne le connaissais pas lui personnellement. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Buenos Aires, j'ai découvert qu'il y avait un orchestre école qui s'appelait l'Orchestra Escuela Emilio Alcarce, qui est relativement connu dans le monde du tango et des étudiants du tango au niveau international. Et d'ailleurs, j'ai essayé de rentrer la première année, j'y suis pas arrivé. Et donc, j'ai décidé d'étudier pendant 2 ans avec un grand maestro qui s'appelle Nicolas Ledesma, qui est un grand référent du piano dans ce genre de musique, dans ce style. Et donc, là, au bout de 2 ans, j'y suis rentré, parce que c'est une formation qui dure 2 ans. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que Victor Lavalen est le directeur artistique de cet orchestre. Et c'est un monsieur qui, aujourd'hui, a 87 ans et qui joue toujours... d'une manière assez incroyable. Et c'est l'un des derniers témoins de cette époque florissante du tango. C'était bouillonnante du tango où il y avait énormément d'orchestres. Dans les années 40 et 50 Dans les années 40, lui, il est plutôt de la génération de la fin des années 50-60. Mais bon, c'est vrai, quand il était jeune, il écoutait toutes ses prémices. Enfin, pas ses prémices, mais l'époque vraiment... L'âge d'or. Ouais, c'est ça, l'âge d'or. C'est avec cette orchestre école que vous avez fait le concert au Théâtre Colonne dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, ça a été un des grands événements, un des concerts les plus impressionnants, je pense, de ma vie, parce que le Théâtre Colonne, c'est le plus beau théâtre de l'Argentine, voire de l'Amérique latine, en fait. Hein, pour beaucoup de référents, même au niveau de l'opéra, c'est l'une des meilleures acoustiques du monde. Voilà. De jouer dans ce théâtre, c'est très impressionnant. Un théâtre à l'italienne de, je sais plus, 2000, 3000 places. Malheureusement, on y a joué à la sortie du Covid, en fait. Ouais. Et donc, du coup, pour beaucoup d'entre nous, enfin, pour nous tous, en fait, c'était notre premier concert depuis un an. Donc, c'était impressionnant d'arriver là et de faire notre premier concert depuis un an. Mais ça a été une expérience inoubliable, forcément, de jouer dans une grande salle comme ça, en orchestre, revenir. Il faut savoir que c'est une salle qui est plutôt dirigée à la musique classique, ce qu'on appelle la musique classique, non ? Et en fait, le tango y est très peu programmé. Pour vous dire, je crois que Piazzolla, il y a joué deux fois dans sa vie, ou trois fois. C'était un honneur de pouvoir être dans cette salle-là. Un concert que l'on peut toujours voir en se branchant sur YouTube. Et c'est vrai que c'est une formation absolument délirante. Il y a quoi ? Il y a 3, 4, 5 joueurs de bandoneon ? Il y a 6 bandoneonistes, plus le référent, puisque c'est un orchestre école, une fois de plus. Donc, je ne dirais pas prof, c'est plutôt référent. Donc, ça faisait 7 bandoneonistes, plus quand Victor Lavachène se mettait au bandoneon sur quelques morceaux, ça fait 8, si je ne me trompe pas. Avec 8 cordes, violon, violoncelle, contrebasse. Exactement, avec 6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 2 contrebassistes. Et un pianiste, et sur ce concert-là, c'est Xavier Guinche. Piazzolla, le voici, le voilà. Il est sous-jacent dans cet entretien depuis presque une heure. Là, on écoute Onda Nueve. Piazzolla, vraiment quelqu'un qui a marqué votre entrée dans le tango ? Ah ben bien sûr, ouais. Comme à presque tout le monde aujourd'hui, en fait. À partir de la génération des gens qui ont 50-60 ans encore aujourd'hui, c'est celui qui nous faisait faire entrer dans le style. Et c'est aussi cette personne qui a répandu le tango au niveau international, en fait. Aujourd'hui, on joue Piazzolla dans le monde entier, dans des orchestres classiques, dans des orchestres moins classiques, dans le tango, partout, en fait. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui fait, Xavier Guinche, que vous avez éprouvé le besoin de partir vous frotter à cette musique sur place, donc de déménager à Buenos Aires ? Outre les choses complètement personnelles, ça a été l'envie de vraiment d'approfondir ce style musical. Et c'est vrai qu'ici, c'est difficile, en fait, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de musiciens ici. C'est difficile de comprendre cette musique sans être à Buenos Aires, parce qu'il faut vraiment... Buenos Aires, c'est tout un monde, comme Paris est tout un monde, comme toutes les est un monde particulier. Et bon, voilà. Et puis il y a une effervescence là-bas qui fait que ça joue tout le temps. On est tout le temps avec des collègues à échanger des disques, à échanger des choses. Et c'est vrai que cette émulation existe qu'à Buenos Aires. Vous n'êtes pas allé à New York pour vous frotter au jazz, mais par contre, il y avait un besoin viscéral de jouer à cette musique et finalement, il n'y a que Buenos Aires pour vraiment la jouer. En tout cas, c'était comme ça que je le pensais. C'est un peu toujours comme ça que je le pense. C'est une ville où je me sens bien et... Comment s'est fait un peu l'intégration ? On le voit, ça a été par petits pas, un apprentissage, alors que vous avez quand même une culture musicale un peu étoffée lorsque vous arrivez là-bas, mais il y a un apprentissage comme si on arrivait dans les premières classes de l'école, un apprentissage petit à petit avec cet orchestre école dont vous nous parliez tout à l'heure, et maintenant vous commencez à jouer dans des groupes avec d'autres musiciens. Ah ouais, c'est vraiment petit à petit, ouais. Quand je suis arrivé là-bas, moi j'avais une espèce de frustration de ne plus avoir de temps de travailler, en fait, d'étudier ce que génère parfois l'intermittence du spectacle. C'est qu'on doit, voilà, il faut manger. Faut travailler. Et donc, on fait parfois des musiques avec des gens adorables, mais ce n'est pas forcément la recherche musicale dont on a besoin. Et donc, ça a été, voilà, ce, entre guillemets, sacrifice pour trouver mieux de partir voilà, du jour au lendemain. Et je me suis mis à étudier le piano pendant 2 ans, en fait. C'est-à-dire, j'ai arrêté de jouer, je n'ai pas fait de concert pendant 2 ans. Pour me mettre au piano, pour découvrir vraiment ce style, comprendre tous les codes, prendre des cours, jusqu'à rentrer dans cette orchestre-école, où, du coup, qui a duré 2 ans de plus, enfin 3 ans avec le Covid malheureusement. Et tout ça, ça m'a permis de faire énormément de rencontres et de m'intégrer peu à peu. Et l'expérience dont, que j'avais avec ce que j'ai vécu à Toulouse a été qu'un plus. Et aujourd'hui, je commence tout juste à voir ce plus que je peux avoir par cette expérience passée, quoi. Lorsque vous arrivez à Buenos Aires, vous le disiez, c'est un saut dans l'inconnu. Comment ça se passe le quotidien pour un jeune Français qui arrive dans un pays étranger sans point de chute? Sans point de chute, oui et non, en fait, parce que c'est quand même là que j'ai rencontré ma compagne d'aujourd'hui. Et... Ouais, mais pas tout de suite. Si, tout de suite. Ouais. Ça a été un tout, en fait. Donc forcément, elle m'a énormément accompagné et continue de m'accompagner énormément. Et déjà dans l'apprentissage de la langue, parce que même si, comme beaucoup d'entre nous, on a fait espagnol au collège, des notions et le pratiquer au quotidien, c'est pas pareil. Puis en Argentine, c'est un accent différent. Moi, j'ai toujours eu envie, mais ça c'est juste personnel, qu'on note pas que je sois français quand je parle espagnol. Tu vois, et donc, on note que je suis pas argentin, mais... Mais on ne sait pas d'où vous venez. Non. Et par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Cuba il n'y a pas longtemps, et ils croyaient que j'étais argentin. Et donc ça, je suis content. Et pour les musiciens argentins, vous êtes le français? Ah bah ouais. Ouais, ça forcément c'est un avantage. Hein, comme ils disent là-bas, el franchute. El franchute. El franchute. Comment ça s'est passé la finale France-Argentine de cet hiver? Je vais me mettre beaucoup de gens en dos, mais j'étais pour l'Argentine. Ouais, ça y est, vous êtes bien intégré. J'allais dire tango new look, tango nouvelle génération. Moi je dis post Piazzolla. Hein. Chacun fait. Il n'y a pas de titre, c'est historiens qui le diront dans 20 ans. Voilà, mais c'est ce qui se fait actuellement en tango. Et effectivement, et c'est ce que j'ai découvert. J'habitais encore en France quand j'ai découvert ce groupe. Une copine de Paris qui m'a fait découvrir ça. Et je suis tombé amoureux de ça, en fait. Et voilà, je suis arrivé là-bas, je suis allé les écouter directement en live dans un club plus petit que l'ex-mandala, le taquin ouais, même si le mandala était au niveau structure peut-être un peu plus petit encore. Et j'ai halluciné, en fait, d'écouter des musiciens comme ça en direct, à proximité, en acoustique. J'ai pris une claque dans la figure, quoi, totalement, quoi. Et avec une évolution, quelque chose qui joignait en fait cet amour du tango traditionnel, du jazz, beaucoup d'influences qui me plaisaient, et voilà, avec des musiciens d'une qualité extraordinaire. Quoi. Et un tango, parce qu'effectivement c'est un tango qui va voir dans plein de directions la musique contemporaine, mais également le jazz, et en gardant les bases du tango, musique que vous jouez avec un contrebassiste argentin, Juan Pablo Navarro. Vous avez intégré son septet l'année dernière, c'est avec lui que vous tournez actuellement en Europe, et lui aussi il est un peu sur cette forme de jazz j'allais dire, plus moderne, qui va revisiter un peu les canons de cette musique traditionnelle et qui va voir sur d'autres esthétiques. Un contrebassiste que vous avez rencontré comment ? Bah, déjà, c'est le contrebassiste de Diego Esquissi. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu au niveau musical. Ensuite, c'est lui qui m'a contacté, en fait. C'est vrai que l'orchestre école Emilio Valcarce est relativement une vitrine, en fait, pour les musiciens. Et le travail sur Tarantino, hein, il m'a appelé un jour, et on ne se connaissait pas, hein, moi je ne le connaissais pas, il me dit « j'ai envie de t'acheter le livre ». Il m'a vraiment appelé, parce que c'est quelque chose de rare aujourd'hui, ouais. Et il m'a vraiment appelé, il m'a dit « je le veux », puis bon, ça ne s'est pas trouvé. Donc un jour, je vais voir un concert avec le Septet. Et puis, je lui amène un livre, bien sûr. Et puis, c'est vraiment quelqu'un humainement très chaleureux. Donc, on a eu le temps de parler et tout. Et puis, à la fin, il m'a dit, on jouera ensemble, un jour. Bah, moi, je me suis mis à pleurer parce que pour moi, c'est un idole musical, en tout cas. Quoi. Et effectivement, il m'a rappelé quelques mois après en me disant, tiens, tu veux pas venir faire un remplacement dans 2 mois? Alors là, j'ai commencé à avoir le front qui sue parce que c'est pas une musique simple à travailler. Et bon, au final, ça s'est pas fait. Et même si j'avais commencé à étudier la musique, il me dit, et puis là, cette fois-là, il m'a dit, t'inquiète pas, tu l'as pas étudié pour rien. Donc, sans me dire ce qui allait se passer. Et effectivement, 2-3 mois après, il m'a appelé, il me dit, tu veux pas intégrer le Septet? Alors là, je suis tombé par terre, j'étais super heureux. Et puis, tous ces efforts que j'ai dû faire, en fait, en arrivant à Buenos Aires pour voir exister en tant que musicien, c'était la ça s'est concrétisé là. Et avec cette tournée, où là, c'est pas avec le Septet que vous tournez, vous tournez en duo. Et puis, il y a des musiciens que vous avez connus ici à Toulouse qui vous accompagne sur une partie de la tournée française, mais certains vont partir lorsque vous allez partir en Belgique, en Hollande, en Allemagne. C'est vrai qu'il y a cette formation en duo, ça renforce les liens, non, avec forcément avec le leader du Septet, pour le coup. Effectivement, ouais. Bah après, c'est l'idéal aurait été de venir en Septet, mais on sait l'organisation que c'est, avec des musiciens qui ont un agenda archi blindé. Avec des moyens financiers, hein, parce que ça coûte cher, et c'est peut-être en Europe. Effectivement, comme on dit, cruzar el charco, on dit en espagnol, ça veut dire traverser l'Atlantique. Et c'est quelque chose d'assez onéreux, et voilà. Et on a décidé de venir en duo. Bah, c'est lui qui m'a proposé, bien sûr, et on a monté cette tournée ensemble. Et selon les endroits où on va à la rencontre de musiciens, comme c'était le cas ici, ce qui était assez émouvant pour moi, du coup, de rejoindre, joindre et de se faire connaître Hubert Plessis avec Juan Pablo et Fabien Duscombe, qui ne connaissait pas Hubert Plessis. Et oui, c'était la première fois qu'il jouait du tango. Et c'est la première fois qu'il jouait cette musique, et d'ailleurs, il m'a dit, enfin, il était un peu apeuré, il me dit, je sais pas si je vais y arriver, et moi, connaissant le spécimen, je savais qu'il allait y arriver, mais je comprenais son appréhension également. Donc Fabien Duscombe, le batteur du Tigre des Platanes. Du Tigre des Platanes, Ben Maker, Denis Locke, avec lequel on jouait, Et il y avait vos anciens complices d'Oscar Delgar et de Cuticeo. Effectivement, il y avait Hubert Plessis, on a invité hier soir Chloé Wouk également. Voilà, écoutez, Xavier Guinche, on va peut-être se quitter pendant que l'on se dit au revoir sur quelques notes de ce 11e morceau que vous nous avez amené, mais dont on vient un peu de parler, donc de ce Juan Pablo Navarro Septeto. Xavier Guinche, bonne route donc pour cette tournée européenne qui se continue vers la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et la Suisse, et puis bon retour à Buenos Aires. On se verra sûrement sans doute à Toulouse, puisque vous y revenez quand même assez régulièrement. En 2024, j'espère. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation, et bon vent. Merci beaucoup.